Ah, c'est moi qui suis outragé, Florise, hélas, ton cœur est bien vengé, ta main j'ai mis sous un joug qui l'accable. Regardez dans mes yeux, si je suis.